La délégation de l'Office de l'Asie de l'Est et du Pacifique du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, conduite par sa directrice Karine Fulsoff, a visité le 15 l'hôpital pour enfants Hongnyu de Pyongyang, le palais des sciences et techniques de Pyongyang, l'hôpital pour enfants de la province du Gangwon, l'hôpital du peuple de l'arrondissement de Kumya de la province du Hamgyong du Sud, etc.